musicien metteur en onde, Paul Malinowski. Directeur du son, Pierre Monteil. Prise de son et mixage, Pierrick Charles, assisté de Pierre Henry, Mathieu Tourin, Jean-François Georges. Sonorisation, Philippe Mercher, Célia Dufour. Conseillère littéraire, Caroline Ouazana. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Aussire. Une coproduction Orchestre National de France, France Culture, Service des Fictions.